En Grande-Bretagne, l'Association d'études de la politique de Sungun, le Cercle d'études des études Jutsu, l'Association d'amitié avec la Corée et le comité préparateur du rendez-vous en l'honneur des grands hommes avec Tucson 2017 ont publié une déclaration commune pour protester contre la provocation des États-Unis et des fantoches sud-coréens contre notre République.